Chapitre 7e. C'est un aspect plein de charme et qui dispose merveilleusement l'âme à une douce rêverie que celui que présente, par une belle nuit d'été, les bords de la Seine aux environs de Rouen. À la clarté vaporeuse de la lune, ses riants coteaux chargés de vignes, ses prairies où il semble que les fées vont venir prendre leurs ébats, empruntent mille traits particuliers. Puis le regard aime à s'arrêter sur tous ces manoirs, ces monastères, semés de distance en distance, le long des rives du fleuve, à monter dans les airs avec les créneaux de leurs tourelles, avec les flèches de leurs clochers. Il n'est pas jusqu'au sourd murmure des flots qui, s'harmoniant avec le silence solennel de la nuit, nous concourent encore à la magie d'un pareil spectacle. Il y aura bientôt 245 ans que, désireux sans doute de jouir de tous ces délices, un noble prélat, Monseigneur l'archevêque de Rouen, quitta vers 9 heures du soir son château de Gaillon et, après avoir descendu la côte jusqu'au bord de l'eau, prit place à bord d'une barque richement pavoisée et étincelante de dorures que les riches moines de l'abbaye de Saint-Ouen avaient mise à sa disposition. Tout l'équipage se leva et toutes les têtes s'inclinèrent respectueusement en le voyant paraître. Mais peut-être eût-on pu distinguer sous ces marques de respect je ne sais quel vague sentiment de curiosité. Quant à lui, il n'y prit seulement pas garde, tant il semblait préoccupé par une pensée intime qui peut-être avait creusé sur son front le pli qu'on y voyait, et ce fut avec une grande distraction qu'il donna en montant dans la barque sa bénédiction archiépiscopale à l'équipage. Monseigneur l'archevêque de Rouen était un homme de toute la force de l'âge. Sa physionomie assez régulière était grave et rêveuse. Sa taille avait encore toute l'élégance de la jeunesse. Mais les vêtements mi-partis ecclésiastiques et séculiers qu'il portait imprimaient à toute sa personne un caractère assez équivoque, mélange bizarre des modes de la cour et des usages de l'église, et qui est le cachet distinctif d'une époque dont frère Ange de Joyeuse a été la personnification vivante. Le prélat s'assit à l'arrière de la barque, sous un dais de velours rouge rehaussé d'or, auquel étaient appendues des courtines de damas destinées, en s'abaissant, à former autour de lui une sorte de tente et à le cacher aux yeux de tout l'équipage. Puis il fit signe de la main au rameur, et la barque commença à descendre majestueusement le cours de la Seine. Certes, si quelque chose pouvait ajouter encore à l'enchantement du spectacle offert alors au regard des voyageurs attardés qui gagnaient leur gîte en côtoyant la rivière, ce dut être à coup sûr la vue de cette barque toute pavoisée, toute resplendissante de dorures, ainsi que jadis la galère de Cléopâtre, et glissant silencieusement sur les flots comme si elle n'eût contenu que des ombres. Celui qui occupait la place d'honneur dans cette barque, et dont l'attitude méditative semblait exercer une sorte de fascination sur ceux qui l'entouraient, demeura longtemps immobile, le coude appuyé sur ses genoux et le menton dans sa main. Tout à coup il tressaillit, car ses regards venaient de tomber sur un des rameurs dont les traits étaient confusément gravés dans sa mémoire, et pendant quelques instants, il ne cessa de contempler cet homme avec la plus vive attention. Mais soit qu'un examen approfondi lui ait démontré son erreur, soit que les pensées tumultueuses qui commençaient à s'élever dans son âme l'absorbassent complètement, il retomba bientôt dans sa rêverie. Cependant la barque poursuivait rapidement sa course, et déjà l'on avait franchi près de 2 lieues de distance qui séparent Gaillon de Rouen, lorsqu'à la clarté de la lune, qui était alors au zénith, et dont les rayons tombaient d'aplomb sur le paysage, apparurent dans le lointain les hauts tours du château d'Arcona. À cette vue, et par un mouvement presque convulsif, le rameur qui avait excité ainsi au point l'attention du prélat abandonna ses rames comme pour reposer ses bras fatigués, et saisissant le moment où il pensa n'être aperçu de personne, il fit furtivement le signe de la croix. Quelque soin qu'il eût pris à cacher à tous les yeux cet acte de dévotion, il n'échappa point pourtant à ceux de l'archevêque qui lui fit signe d'approcher. Dès qu'il se fut rendu en tremblant à cette injonction, le prélat donna ordre d'abaisser les courtines de damas appendues à chacun des 4 côtés du dais, et voici ce qui se passa entre ces 2 hommes dans ce confessionnal improvisé où l'ombre épaisse des rideaux empêchait chacun des interlocuteurs de rien lire sur la physionomie de l'autre. « D'où vient ?» dit à voix basse l'archevêque au rameur. « D'où vient que tu t'es signé tout à l'heure ?»« L'ai-je fait ainsi, monseigneur ?» répondit l'homme avec un trouble profond. « Tu l'as fait. » « Puisque vous le dites, monseigneur, il faut bien que cela soit. Au surplus, n'est-ce pas un devoir pour tout bon chrétien de faire le signe de la croix en passant devant un cimetière ?»« Cela est un devoir, mais je n'ai pas vu de cimetière sur notre route. »« Et quoi, monseigneur, ne venons-nous pas de passer sous les tours du château d'Arcona Eh bien, monseigneur, il est aisé de voir que vous êtes étranger et nouveau venu dans ce pays, vous qui ne connaissez point l'histoire du château d'Arcona. Pourrais-tu me conter cette histoire? Oh, monseigneur, le peu que j'en sais est bien triste, et ceux qui pourraient en dire davantage sont à cette heure devant Dieu. Pourtant, si tel est votre bon plaisir, je vous dirai ce que je sais. Il y a 6 ans, le château d'Arcona, bien que déchu de son ancienne splendeur, était encore un glorieux séjour digne de servir d'habitation à un noble et puissant châtelain. Mais une nuit, le feu roi, dont Dieu sauve l'âme, vint y demander l'hospitalité. Et c'est depuis cette nuit-là que le château est devenu un véritable cimetière, car ceux qui y sont n'en sortiront jamais. Ici, une exclamation de terreur de l'archevêque interrompit le récit du marinier, qui continua ensuite en ces termes. Nul ne sait bien exactement ce qui s'est passé dans le château pendant cette nuit fatale, car à peine le roi Henri III en était sorti avec toute sa suite, que le comte d'Arcona, un vieux seigneur huguenot, qui a été le dernier possesseur de ce domaine, assembla tous ses serviteurs dans la grande salle, et après leur avoir fait jurer à tous sur leur salut éternel, de ne jamais révéler à âme qui vive les événements dont ils avaient été les témoins, il les congédia en leur déclarant qu'ils n'avaient plus besoin de leur service et qu'ils voulaient dorénavant demeurer seuls dans son château avec sa fille. 2 ou 3 seulement des plus vieux serviteurs furent admis sur leur prière à partager son sort. Ensuite, il fit murer les portes et les fenêtres extérieures du château afin que nul ne pût y entrer ni en sortir. « Et on ne forme aucune conjecture ?» reprit le prélat d'une voix émue, sur les causes d'une semblable détermination. « Oh, si fait, monseigneur ! Les uns disent que la fille du comte d'Arcona, l'une des plus riches et des plus belles héritières de la contrée, s'était, pendant une absence de son père, laissée séduire par un jeune seigneur catholique. Les autres assurent, pardonnez-moi, monseigneur, si j'ose répéter un tel blasphème, que ce seigneur était un prêtre. « Voilà en effet une histoire bien lugubre, » dit l'archevêque. « Mais sait-on du moins si ce seigneur huguenot, si sa fille, existe encore ? Tous les deux, monseigneur, ont cessé de vivre depuis plusieurs années. Dans le commencement, on les voyait l'un et l'autre dans les soirées d'été se promener sur la plateforme du donjon qui domine la rivière. Mais on n'a plus vu qu'une seule personne, c'était la jeune fille, jusqu'à ce qu'enfin elle-même ait rejoint son père dans la tombe. Aujourd'hui, il y a tout lieu de penser que nul être vivant ne respire dans le château d'Arcona, car on n'y entend jamais d'autre bruit que le croassement des corbeaux qui planent incessamment sur sa funèbre enceinte. » Ayant ainsi parlé, le marinier se tut, et ne recevant aucune marque d'attention de la part du prélat, il se disposait à se retirer par discrétion. Dans ce but, il entr'ouvrait déjà les courtines de Damas, lorsqu'à la faible lueur qui pénétra par cette ouverture dans l'étroit réduit où se passait cette scène, il crut apercevoir que l'archevêque s'était caché le visage avec ses mains, et que de grosses larmes ruisselaient à travers ses doigts. Alors il s'arrêta tout interdit et s'écria. « Pardonnez-moi, monseigneur. Si j'avais pu prévoir que mon récit vous affligerait à un tel point, je me serais bien donné de garde de vous le faire. » L'archevêque rabattit vivement les courtines et répondit avec beaucoup de sang-froid. « L'esprit de charité dont, plus que tout autre, un ministre du Très-Haut doit être animé, est l'unique cause de mon affliction et je te rends grâce de m'avoir raconté cette histoire. Je ne manquerai pas de prier Dieu pour qu'il reçoive en sa pitié les 2 derniers rejetons de la noble maison d'Arcona, malgré leur hérésie, et peut-être Dieu exaucera-t-il mes prières. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas encore arrivés au terme du voyage, et tu as sans doute quelque autre histoire à me raconter. Moi, monseigneur, je n'en sais aucune autre, je vous jure. Cherche bien dans ta mémoire. Ce serait en vain, monseigneur. Eh bien, dis-moi l'histoire de ta vie. Monseigneur, vous voulez rire à mes dépens, sans doute. Car quel intérêt peut avoir pour vous la vie d'un misérable tel que moi, qui vous est inconnu et qui vit obscur et seul le monde avec le produit du travail de ses bras? Seul, tu n'as donc ni femme ni enfant. Monseigneur, j'avais une femme et 4 enfants. Hélas, Dieu me les a retirés. Dieu est juste, répondit le prélat d'une voix sévère. Agenouille-toi, je suis prêt à recevoir ta confession. Vous, monseigneur, vous, l'archevêque de Rouen, vous voulez entendre la confession d'un pauvre marinier? « Agenouille-toi, te dis-je, j'attends. » Le rameur se prosterna aux pieds du prélat en frappant convulsivement à sa poitrine. Mais il ne put articuler un seul mot, sa langue était comme paralysée. L'archevêque s'écria. « Puisque tu refuses de parler, écoute à ton tour l'histoire que je vais te raconter. » Une nuit, 6 ans se sont écoulés également depuis cette nuit-là, un inconnu vint frapper la porte d'un batelier qui habitait une cabane près de Vernon et qu'on nommait Jean-Claude. L'inconnu demanda au batelier de le conduire à Rouen, comme nous y allons aujourd'hui, et lui promit en récompense 2 pièces d'or. Le marché fut conclu. Chemin faisant, le batelier s'aperçut que l'escarcelle de son compagnon était fort bien garnie. « Que penses-tu que fit le batelier ?» Celui auquel s'adressait cette interrogation n'y répondit pas, mais il balbutia d'une voix étouffée. « Grâce, grâce, monseigneur !» Le batelier, reprit le prélat, sans paraître s'apercevoir de cette interruption, le batelier vola à l'inconnu tout son or, puis il l'assassina. « Grâce !» cria Jean-Claude, car c'était bien lui. « Monseigneur, j'embrasse vos genoux, prenez pitié de moi. Arrière, arrière !» dit l'archevêque. « Point de grâce pour le larron, point de grâce pour l'homicide !» À cet instant, la barque toucha. Les courtines du dais se relevèrent, et le prieur de l'abbaye de Saint-Ouen apparut sur le rivage, à la tête de son cortège de moines, et tenant en main un plat de vermeil sur lequel étaient déposées les clés de l'abbaye. L'archevêque se leva et marcha droit à lui. « Qui êtes-vous ? » dit le prieur. « Je suis, répondit à haute voix le prélat, Charles de Bourbon, frère consanguin du roi de France. Que voulez-vous ? Je viens, selon l'usage, dormir une nuit dans mon abbaye de Saint-Ouen, avant de prendre possession de mon diocèse. « Cela sera fait demain, » dit le prieur. Chapitre 8e. Pour quiconque s'est plu à observer les brusques changements de fortune que les révolutions entraînent avec elles, l'élévation de Charles de Bourbon à la première dignité ecclésiastique du royaume n'aura rien d'étonnant. Exilé sous Henri III en punition d'une faute qui peut-être, il faut bien le dire, avec quelque excuse dans les circonstances sous l'influence desquelles elle avait été commise, et dans les mœurs même de l'époque, il était naturel que le coupable trouvât grâce auprès d'un nouveau roi, que les méfaits d'amour ne devaient à aucun titre trouver bien sévères. D'un autre côté, Henri IV, c'était lui qui occupait alors le trône de France, ne pouvait oublier que les liens du sang l'attachaient à Charles de Bourbon, et qu'à une époque où les faiblesses des princes et des grands constituaient au profit de leur rejeton une sorte de noblesse, il eût été de la plus haute inconvenance que le fils de son père végétât dans quelque rang obscur de la hiérarchie ecclésiastique. L'un des premiers soins du Navarrois, après la conquête de son royaume, fut donc de demander devant lui son frère consanguin et de lui offrir le siège de Rouen, resté vacant pendant les troubles civils. Charles de Bourbon avait alors de 33 à 34 ans. Il était par conséquent parvenu à cet âge où les orages du cœur se calment et cèdent assez ordinairement la place à une passion moins brûlante, mais bien plus difficile à satisfaire que l'amour, bien plus féconde aussi en tourments et en soucis sans compensation aucune, l'ambition. Si l'on considère d'ailleurs que dans l'âme de Charles de Bourbon, cette dernière passion en s'éveillant n'avait à lutter que contre un souvenir, on s'étonnera moins qu'en apprenant la haute faveur dont il était l'objet, il ait cédé tout d'abord à l'enivrement qu'elle devait lui causer. Depuis 6 ans, il était sans nouvelles d'Anne d'Arcona, et quel est l'amour qui résiste à 6 ans d'absence ? Cependant, quelque tranquille que pût être Charles de Bourbon sur les suites de son séjour au château d'Arcona, ce ne fut pas sans un pénible serrement de cœur qu'il entreprit le voyage de Rouen. À mesure qu'il avançait vers cette ville, tout son passé se dressait devant lui, hideux et menaçant. Dans le pieux sentiment qui portait les populations à venir se prosterner sur son passage, son imagination en délire ne voyait qu'une avide curiosité, et lui semblait qu'à défaut de toutes ces bouches fermées par le respect, les arbres et les pierres même du chemin allaient prendre une voix pour s'écrier « Voilà le prêtre parjure !» Il ne faut pas s'étonner si, maîtrisé par l'influence de pareilles pensées, il avait évité avec le plus grand soin pendant tout ce voyage de prononcer un nom sans cesse errant sur le bord de ses lèvres, un nom auquel il commença à craindre de n'entendre répondre qu'un funèbre écho. Sans doute, s'il n'eût rencontré Jean-Claude, il serait arrivé à Rouen sans oser s'enquérir du sort d'Anne d'Arcona. Mais, en se retrouvant face à face avec l'homme qui avait causé tous ces maux, il ne put résister au désir d'apprendre de sa bouche les événements qui avaient suivi son départ du château. On a vu quelle cruelle satisfaction lui était réservée à cet égard, et l'on comprend maintenant pourquoi, après le récit du batelier, Charles de Bourbon laissa tomber sa tête entre ses mains en pleurant à chaudes larmes. Mais bientôt l'ambition reprit le dessus dans son âme, et lorsqu'il arriva à Rouen, ce n'était déjà plus Charles de Bourbon, c'était Monseigneur l'archevêque. La tête remplie des pompeuses préoccupations attachées à ce nouveau titre, il vit passer et repasser devant lui, dans son sommeil, les ombres de ses glorieux prédécesseurs, la plupart vêtus de la pourpre romaine, quelques-uns même la tiare en tête et les clés de Saint-Pierre à la main. Tous, cardinaux et papes, semblaient lui faire signe et l'appeler à eux. Tous le saluaient leur égal et leur frère. Que de gloire, quel avenir, à 34 ans. Aussi, lorsque le lendemain matin, il sortit de l'abbaye de Saint-Ouen, vêtu du riche pallium métropolitain, dont les pans étaient soutenus par 4 évêques et suffragants, un long murmure d'admiration s'éleva dans les rangs de la multitude. Jamais, de mémoire de dévote, on n'avait vu si bel archevêque. Son visage calme et reposé rayonnait d'une sereine majesté et rappelait au regard ravi les nobles traits de son père, le feu roi de Navarre, et la grâce enchanteresse de cette belle Marguerite du Rouet, l'une des filles d'honneur de Catherine de Médicis, qui lui avait donné le jour. À peine il avait franchi le seuil de l'abbaye que toutes les cloches de la ville, mises en branle comme par une puissance surnaturelle, retentirent dans les airs. Bientôt l'encens fume dans les rues. L'orgue éclate dans les églises et mêle ses accords solennels au chant des saintes hymnes. Au milieu de ces bruyantes harmonies ecclésiastiques, distinguez-vous comme la basse continue du sacré concert, la grosse cloche de Georges d'Amboise, qui dans cette occasion mémorable est sortie de son long silence. Entendez-vous ces cris « Place, place à Monsieur Charles de Bourbon, place à Monseigneur l'archevêque de Rouen, primat de Normandie, place aux frères consanguins du roi de France. » Le voilà qui passe, ce noble prélat, suivi du prieur et des religieux de Saint-Ouen, tout s'enchappe. Comme il semble bien fait, ce pasteur, pour commander à tout ce troupeau. Avec quelle componction les belles dames, agenouillées à leur balcon, reçoivent la bénédiction archiépiscopale et lui rendent en échange un regard mystique et demi-voilé qui a bien de la peine à s'empêcher d'être tendre. Oh, avant un mois, il n'y aura plus dans ton Rouen une seule beauté calviniste. Bientôt, on va s'arrêter devant le porche gothique du monastère de Saint-Amand. Ainsi le veut le cérémonial adopté pour la prise de possession du diocèse de Rouen. Déjà, les lourdes portes de l'antique abbaye ont roulé sur leurs gonds et donné passage à de longues files de nonnes qui viennent processionnellement et en silence se ranger devant le portail du couvent et s'enivrer une fois de leur vie de cet air libre et pur du dehors, pénètrent si voluptueusement à travers les mailles de leurs longs voiles noirs. L'archevêque approche, et l'on n'attend plus qu'une seule personne, l'abbesse. D'où vient qu'elle n'a point paru, comme c'était son droit et son devoir, à la tête de sa communauté? Tout à coup, un bruit se répand. L'abbesse de Saint-Amand, minée depuis plusieurs mois par une maladie de langueur, touche à ses derniers moments, et ne pourra, selon toute apparence, remplir la tâche qui lui est imposée dans cette occasion solennelle. Une sourde rumeur témoigne aussitôt de l'intérêt qui s'attache dans l'opinion de la multitude à l'accomplissement de cette tâche consacrée par une observance de plusieurs siècles. C'est l'accompagnement indispensable de l'installation de tout archevêque, et il arriverait à coup sur malheur si l'on osait s'en écarter. Que faire? Le cortège archiépiscopal s'est arrêté, et déjà les suffragants se regardent entre eux d'un air plein d'inquiétude. Une consternation difficile à décrire s'empare de la foule, car selon toute apparence, les cérémonies annoncées ne pourront avoir lieu, et l'archevêque aimera mieux différer la prise de possession de son diocèse que de laisser inaccomplie la plus importante formalité de cette intronisation. Tout à coup, mille cris s'élèvent « L'abbesse, l'abbesse, voilà Madame l'abbesse !» En même temps apparaît sur le portail du monastère une nonne revêtue des attributs caractéristiques de son rang. Quelque grossière que puisse être la robe sous laquelle elle est comme ensevelie, je ne sais quel cachet particulier de grâce et d'élégance se trahit encore sous les plis de la bure, et bien que son voile noir, soigneusement abaissé sur son visage, dissimule ses traits à tous les yeux, il s'exhale de tout cet ensemble comme un mystérieux parfum de beauté. Au surplus, on avait bien raison de douter qu'elle pût accomplir le pieux devoir qui lui est imposé, la pauvre abbesse. Tant sa démarche est faible et languissante, tant ses doigts effilés semblent soutenir avec peine la crosse abbatiale qui tremble dans sa main comme un roseau agité par le vent. L'archevêque s'approcha d'elle. « Merci, ma sœur, lui dit-il à voix basse et du ton le plus affectueux. Merci d'avoir bien voulu, souffrante comme vous l'êtes, vous traîner jusqu'ici pour remplir une tâche peut-être, hélas, au-dessus de vos forces. Soyez bénie pour cela ici-bas et que Dieu vous récompense là-haut. » Pour toute réponse, l'abbesse inclina la tête, puis, la redressant, tout à coup, avec un mouvement presque convulsif, elle saisit vivement la main de l'archevêque. Celui-ci tressaillit involontairement. Cette main qui touchait la sienne était glacée. Quelques instants s'écoulèrent, pendant lesquels un effrayant silence s'établit parmi tous les spectateurs de la scène moitié lugubre, moitié bizarre, qu'allait se passer à cette place. L'abbesse, pensive et recueillie, récitait-elle tout bas quelques pieuses oraisons, ou plutôt ne cherchait-elle pas au fond de sa poitrine des paroles que sa langue et ses lèvres semblaient lui refuser? Je ne sais, mais enfin elle rassembla toutes ses forces, et ayant pris sur un plat d'or qu'on lui présenta un anneau de même métal, dans lequel était enchâssée une pierre précieuse, elle le passa lentement au doigt de l'archevêque, en s'écriant d'une voix faible, mais qui retentit dans le cœur du prélat comme la trompette de l'archange au jour du jugement dernier. « Je vous le donne vivant, vous me le rendrez mort. » Cette voix était un prestige, cette voix était celle d'Anne d'Arcona. Tremblant, éperdu, Charles de Bourbon attacha sur son interlocutrice des yeux hagards. À travers l'épais réseau qui enveloppait son visage, il chercha à distinguer ses traits. Mais ce fut en vain. L'abbesse, qui s'était agenouillée pour recevoir sa bénédiction, venait de se relever avec effort et regagnait déjà l'enceinte du cloître. En proie à la plus cruelle préoccupation, le prélat suivit du regard ce spectre voilé dont la voix vibrait encore à son oreille. Et depuis longtemps, les portes du monastère s'étaient refermées sur la dernière nonne de la communauté de Saint-Amand, que Mgr Charles de Bourbon n'avait pu s'arracher de la place où il s'était arrêté et où il semblait cloué par une force surnaturelle. À la fin, le grand vicaire du diocèse s'approcha de lui et lui dit « Monseigneur, je prie votre éminence de me pardonner si je la trouble dans ses pieuses méditations, mais tout n'est pas encore terminé, et le sacristain de la paroisse de Saint-Herblande attend votre éminence pour avoir l'honneur de la déchausser, selon l'usage. » « Il est vrai, » murmura l'évêque d'un air rêveur. « Continuons notre chemin. » « Qu'a donc son éminence ?» dit tout bas le grand vicaire en se retirant. « Son éminence est bien pâle. » Lorsqu'après avoir laissé ses chaussures entre les mains du sacristain de Saint-Herblant, Charles de Bourbon entreprit de traverser nu-pieds en rochet et en camaille, ainsi que l'exige le cérémonial, la distance qui sépare cette paroisse de la cathédrale, on remarqua qu'il avait toutes les peines du monde à se soutenir, ce qu'on ne manqua pas d'attribuer à la difficulté d'une pratique déjà peu en harmonie avec les mœurs raffinées de la fin du XVIe siècle. Enfin, il arriva sur le parvis où le doyen l'attendait avec ses 50 chanoines. À cet instant, le prieur de l'abbaye de Saint-Ouen, qui avait marché constamment derrière lui, s'approcha avec respect et, le montrant du doigt à tout le chapitre assemblé, il prononça à son tour d'une voix forte et parfaitement accentuée la formule consacrée « Mes frères, nous vous donnons notre archevêque vivant. Vous nous le rendrez mort. » Ici, Charles de Bourbon, frappé d'une terreur superstitieuse, détourna involontairement la tête pour voir si l'abbesse de Saint-Amand ne le suivait pas. Cette fois, sa crainte était vaine. Il reprit donc sa chaussure et entra d'un pas assez ferme dans la cathédrale, où l'office divin fut célébré en grande pompe. À peine la cérémonie était terminée, qu'on vint l'avertir qu'un messager demanda à être introduit en sa présence pour affaires urgentes. « Monseigneur, s'écria cet homme, qui était tout hors d'haleine, venez, venez vite, madame l'abbesse de Saint-Amand se meurt, il désire que vous receviez sa confession avant d'être appelé devant Dieu. » Charles de Bourbon chancela, et une sueur froide inonda tout son corps. Mais bientôt, s'apercevant que tous les assistants avaient les yeux fixés sur lui avec un vif sentiment de surprise, il fit signe au messager qu'il était prêt à le suivre et ordonna d'aller quérir le Saint-Crème, puis il se mit en marche vers le monastère de Saint-Amand. Chemin faisant, mille pensées tumultueuses bouillonnaient dans son cerveau et il se demandait si Jean-Claude le batelier l'avait trompé et si c'était bien en effet Anne d'Arcona qu'il allait voir. Anne d'Arcona qu'il avait laissée protestante et qu'il retrouvait catholique. Anne d'Arcona, qu'il avait laissée pleine de vie, de jeunesse et de beauté, et qu'il retrouvait agonisante. Muet, tremblant, la tête baissée, il s'en allait comme un criminel qui marche au supplice, si bien qu'en le voyant passer, un chacun se demandait quelle personne allait mourir, de la femme à qui l'on portait les saintes huiles ou de l'homme qui les portait. Arrivé devant le porche de Saint-Amand, le prélat s'arrêta en entendant le glas lugubre des cloches du monastère. En même temps, plusieurs femmes du peuple vinrent au-devant de lui et lui dirent en pleurant « Monseigneur, il est trop tard. Madame l'abbesse vient de rendre le dernier soupir. »« Morte ?» s'écria le prélat en regardant fixement l'anneau pastoral qui brillait à son doigt. « Morte ?» et lui-même tomba évanoui sur le pavé. On le rapporta dans son palais archiépiscopal, où il resta plusieurs heures dans cet état. Lorsqu'il en sortit, il se trouva étendu sur son lit dans une vaste chambre magnifiquement décorée, où plusieurs membres du haut clergé de son diocèse étaient assemblés et s'entretenaient ensemble à mi-voix. Les paroles suivantes vinrent frapper son oreille. « Oui, messieurs, disait le grand vicaire, j'ai l'intention de proposer à son éminence de faire célébrer demain un service solennel dans la cathédrale pour le repos de l'âme de Marie d'Entragues, 34e abbesse de Saint-Amand. »« Marie d'Entragues ? » balbutia l'archevêque en se soulevant à demi sur son séant. « Ce n'était donc pas Anne d'Arcona. » Chapitre 9e. Loué soit Dieu, s'écria le grand vicaire. « Voici Monseigneur qui commence à reprendre ses sens. Je pensais que cette indisposition n'aurait aucune suite fâcheuse, n'est-ce pas, Monseigneur ? Il faut attribuer sans doute cet évanouissement à la chaleur du jour et à la fatigue que tout ce cérémonial a dû causer à votre éminence. « En effet, je le crois comme vous, » balbutia Charles de Bourbon. Grommela entre ses dents l'un des officiers de Monsieur le duc de Villars, gouverneur de la province, venu sans doute pour savoir des nouvelles de l'archevêque. « Tout cela est fort étrange, et l'on ne me persuadera jamais qu'un beau jeune prélat comme celui-là, qui a plutôt l'air fait pour commander à des reîtres ou à des lansquenets qu'à des moines et à des nonains, tombe ainsi en pâmoison pour un peu de fatigue et de chaleur. « Qu'ordonne son éminence ?» reprit le grand vicaire. « Lui plairait-il d'entendre la lecture du bréviaire ?» Charles de Bourbon fit un signe de tête négatif. Le grand vicaire reprit presque aussitôt, sans se décourager. « Son éminence ne serait peut-être pas fâché d'écouter un peu de musique avant de s'endormir. Nous avons, à la cathédrale, des enfants de chœur qui ont une voix merveilleuse. Pour peu que cela soit agréable à son éminence, on pourrait les envoyer chercher. Ils nous chanteraient les saintes hymnes, justement. » Voici l'heure de l'Angélus. Rien de tout cela, dit l'archevêque. La nuit vient, je désire être seul, qu'on me laisse. Et quoi, monseigneur, reprit vivement le grand vicaire, vous voulez que nous quittions ainsi votre éminence? Il faut du moins que quelqu'un reste auprès d'elle pour veiller. Songez-y donc, monseigneur, si vous alliez retomber en pâmoison. N'ayez nulle crainte, reprit Charles de Bourbon. Je me sens tout à fait bien maintenant, et je suis sûr que le repos et le sommeil me remettront tout à fait. « Bonsoir, messieurs. Dieu vous garde jusqu'à demain. » Après des paroles aussi expresses, nul n'osa résister davantage au désir que l'archevêque venait d'exprimer. Et chacun ayant pris congé de lui, il se trouva seul dans la chambre à coucher du palais archiépiscopal, où les effigies de ses devanciers appendus aux parois des murailles lui parurent sans doute une compagnie suffisante dans la situation d'esprit où il se trouvait. On conçoit en effet aisément qu'après toutes les émotions qui étaient venues le troubler depuis la veille au soir, et qu'il s'était vu forcé de dissimuler avec tant de soin aux yeux de ceux qui l'entouraient, Charles de Bourbon éprouva le besoin de se recueillir en lui-même et de respirer librement et sans témoin. Il pouvait donc enfin, sans redouter d'indiscrets commentaires, s'abandonner aux réflexions de toute nature que devaient nécessairement éveiller dans son âme les événements dont il avait entendu le récit et ceux dans lesquels il avait figuré comme acteur ou comme témoin. Il pouvait frémir, prier, pleurer même, sans que mille regards avides attachés sur sa physionomie lui demandent ce compte d'un pli tracé sur son front, d'une convulsion de sa bouche, d'une pâleur soudaine ou d'une larme. Et, comme revenu déjà de tous ses rêves d'ambition, dont un moment il avait subi l'enivrant prestige, il se prit à maudire la destinée qui l'avait fait riche, puissant, envié, qu'il avait donné en spectacle à tous, alors qu'il eût voulu cacher dans le fond de quelque obscure retraite sa douleur et ses remords. C'est en vain que par moments, et pour chasser les sombres pensées qui venaient incessamment l'assaillir, il évoquait le souvenir de son élévation soudaine, des privilèges et des espérances qui y étaient attachés, des pompes ecclésiastiques qui avaient signalé la prise de possession de son diocèse. Toujours au milieu de toutes ces pompes, de ces privilèges, de ces espérances, se dressait une ombre menaçante qui le glaçait d'effroi. Toujours il entendait retentir à son oreille cette lugubre formule « Je vous le donne vivant, vous me le rendrez mort ». Cette ombre, est-il besoin de la nommer, cette voix, était-elle bien celle qui jadis résonnait si doucement dans son cœur? Alors il en appelait de ses terreurs au témoignage de sa raison. Anne d'Arcona était morte, il était impossible d'en douter. D'après le récit du batelier Jean-Claude. D'ailleurs, n'était-elle pas de la religion réformée? Puis, enfin, l'abbesse qui lui avait remis l'anneau pastoral se nommait Marie d'Entragues. Et à moins de supposer, ce qui était inadmissible, que la jeune fille, en prenant le voile, avait changé de nom, il n'y avait qu'un moyen d'expliquer la présence d'Anne d'Arcona au monastère de Saint-Amand. Bien plus, en creusant dans le passé, Charles de Bourbon se souvint parfaitement qu'au temps où son oncle, le cardinal, occupait le siège archiépiscopal de Rouen, une demoiselle de la maison d'Entragues avait fait profession à Saint-Amand et que cette détermination avait eu un grand retentissement à la cour de Henri III. Ainsi, il devenait évident qu'il avait été induit en erreur par une simple analogie dans la taille et dans la voix, analogie qui n'existait même peut-être que sous l'influence d'une de ses préoccupations intimes, dont les résultats sont souvent si bizarres. Cependant, la soirée s'avançait, et Charles de Bourbon, un peu tranquillisé par ses dernières réflexions, sentait déjà s'apesantir ses paupières. Ses yeux encore ouverts, mais ternes et sans regard, n'apercevaient plus les objets environnants que sous une forme et une teinte de plus en plus vagues et indécises. Il était dans un état qui participe à la fois de la veille et du sommeil, où le sang alourdi arrive à peine jusqu'au cœur, et où il semble que l'existence est sur le point de s'arrêter. À cet instant, la porte de la chambre roula doucement sur ses gonds, et à la faible lueur que projetait une petite lampe de fer suspendue à la voûte, l'archevêque aperçut distinctement une forme humaine qui s'avançait vers son lit. D'abord il pensa que c'était le grand vicaire, ou du moins quelqu'un des ecclésiastiques attachés à l'archevêché, qui venait s'enquérir de ses nouvelles, et il pencha machinalement sa tête en avant pour s'en assurer, mais il s'écria, avec l'accent d'une personne dont le sommeil commence à envahir toutes les facultés, « Qui va là ?» Une voix bien connue, une voix de femme, répondit tout bas, « C'est moi, l'abbesse de Saint-Amand. » Si bas que cette parole eût été prononcée, elle retentit à l'oreille de Charles de Bourbon comme le plus violent éclat de foudre. Pâle, les cheveux hérissés, l'œil hagard, il se dressa sur son séant. Une nonne voilée et portant les attributs distinctifs de la dignité abbatiale s'avançait à pas lents vers son chevet. À cette vue, le prélat sentit une sueur froide pénétrer tout son corps jusqu'à la moelle des os. Cette nonne était bien celle qui, le matin même, lui avait remis l'anneau pastoral, celle dont la taille, la démarche, la voix rappelaient à ne s'y pouvoir méprendre la jeune fille que 6 ans auparavant il avait aimée, celle enfin qu'on lui avait dit morte. « Pitié, pitié, Seigneur mon Dieu » s'écria-t-il, « éloignez-moi de cette cruelle vision !» Et comme la nonne demeurait muette et immobile au chevet de son lit, il ajouta, en étendant les bras, « Arrière, arrière, spectre, que me veux-tu ? Ne le savez-vous pas, monseigneur ?» répondit tranquillement la nonne. Charles de Bourbon demeura interdit et glacé. Son interlocuteur reprit au bout de quelques instants. « Je viens, monseigneur, selon l'usage, vous demander votre bénédiction pastorale. Je suis l'abbesse de Saint-Amand-les-Rouen. » « Tu mens !» répartit vivement le prélat. « L'abbesse de Saint-Amand-les-Rouen est morte. L'abbesse de Saint-Amand est à cette heure dans son cercueil, et Dieu ne lui a pas permis de s'en relever. » « Il est vrai, monseigneur, mais moi je suis la nouvelle abbesse. Mes sœurs, qui m'ont élu en remplacement de notre mère, Marie d'Entragues, m'ont dit de venir à vous pour vous supplier de ratifier leur choix, et je suis venu. Me voici à genoux devant vous, monseigneur. Ne me refusez pas ce que je viens vous demander. » Il y avait dans l'accent avec lequel furent prononcées ces paroles quelque chose de doux et de plaintif qui allait à l'âme, et Charles de Bourbon se sentit profondément ému. « Mon Dieu, se dit-il, c'est bien là la voix d'Anne d'Arcona, et pourtant tout m'assure que ce n'est pas elle. D'ailleurs, s'il en était autrement, ne m'aurait-elle pas reconnu ? Oh, c'est le malin esprit sans doute qui a emprunté cette voix et cette forme pour venir troubler mon sommeil. » Pénétré de cette pensée, le prélat ajouta tout haut, « Si tu n'es pas Satan en personne, qui donc es-tu ? Nomme-toi, peut-être alors je pourrais ajouter foi à tes paroles. » « Hélas, monseigneur, répondit la nonne, je ne saurais déférer à votre désir, car les statuts de la communauté de Saint-Amand interdisent à l'abbesse de prononcer jamais son nom en présence d'aucun homme, quel que soit son rang, fût-il même, comme vous, revêtu du plus saint caractère. Eh bien, lève ton voile et que je voie ton visage à découvert. Monseigneur, l'abbesse de Saint-Amand doit garder son voile toujours baissé sur son visage. Il ne lui est permis de le lever qu'une seule fois. Quand donc ? Quand l'archevêque est mort et que son corps passe devant le porche du couvent. et Charles de Bourbon frémit involontairement. L'abbesse reprit presque aussitôt. « Telle est la règle, monseigneur. J'ai juré de l'observer. Tout serment est chose sacrée, n'est-ce pas, monseigneur ? Et Dieu punit le parjure. » Il y avait une intention bien marquée dans l'accent avec lequel ces derniers mots furent prononcés. Mais Charles de Bourbon feignit de ne pas s'en apercevoir, et empruntant au rituel l'un de ses exorcismes, il s'écria avec une assurance qu'il était bien loin d'avoir au fond de son cœur. « Qui que tu sois, abbesse ou démon, je t'ordonne au nom de Dieu, dont ta langue maudite ose invoquer le nom, de ne plus troubler davantage mon sommeil. Va-t'en, va-t'en !» L'abbesse, qui était agenouillée au pied du lit, se leva et fit quelques pas en silence pour sortir de la chambre. Parvenue sur le seuil de la porte, elle se retourna vers le prélat et lui dit tristement « Ainsi, monseigneur, vous me chassez. C'est la première fois depuis que l'antique monastère de Saint-Amand est fondé qu'une abbesse apparut devant son archevêque sans qu'il lui ait donné sa bénédiction. Puisse Dieu se montrer plus miséricordieux pour vous, monseigneur. » Ayant ainsi parlé, l'abbesse de Saint-Amand sortit mystérieusement comme elle était entrée. À peine fut-elle hors de la chambre que Charles de Bourbon, revenu de sa première surprise, voulut appeler. Mais il fut presque aussitôt détourné de cette pensée, peut-être par la crainte d'être traité de visionnaire, peut-être encore plutôt par l'embarras de s'expliquer clairement sur une semblable vision en présence de ceux auxquels il avait tant à cœur de cacher l'origine de cette erreur. Car il faut bien le dire, si dès la fin du XVIe siècle, les préjugés superstitieux qui, presque de tout temps, ont fait ajouter foi à l'intervention d'êtres surnaturels dans certaines circonstances de la vie, commençaient à s'écrouler sous les attaques incessantes du protestantisme. Deux classes de la société demeuraient encore soumises à leur influence, le peuple et les grands, le premier par ignorance, les autres, et Charles de Bourbon était de ce nombre, en souvenir sans doute de Catherine de Médicis et de toutes les pratiques et croyances que cette reine avait introduites à la cour en fait de magie. Cependant, soit que l'archevêque eut pleine confiance dans l'efficacité de ses exorcismes, soit que brisé par la fatigue et par les émotions de toute nature qui étaient venues l'assaillir depuis peu de temps, il éprouva un vif besoin de repos. Il ne tarda pas à s'endormir, et il était encore plongé dans un profond sommeil, lorsque le lendemain de la matinée, le grand vicaire, s'étant approché discrètement de son lit, le secoua par le bras avec tout le respect imaginable. « Qu'est-ce donc? Que me veut-on ? » s'écria le prélat en s'éveillant en sursaut. « Je viens, » répondit timidement le grand vicaire, « savoir si monseigneur a bien passé la nuit et s'il est tout à fait remis de son indisposition d'hier soir. » « Parfaitement, » dit l'archevêque en cherchant à dissimuler sa mauvaise humeur d'être réveillé si tôt. « Est-ce là tout ce que vous aviez à me dire, monsieur l'abbé ?»« Monseigneur, excusez-moi, » reprit le grand vicaire avec un peu d'embarras. « Votre éminence n'a pas oublié sans doute que c'est aujourd'hui qu'on doit célébrer une messe solennelle à la cathédrale pour le repos de l'âme de madame l'abbesse de Saint-Amand. On n'attend plus pour cela que votre éminence. »« L'abbesse de Saint-Amand, » balbutia l'archevêque. « Dieu tout-puissant, ce spectre me poursuivra donc partout. » Et comme le grand vicaire le regardait d'un air effaré, « Je ne me sens pas encore très bien portant, » ajouta-t-il. « Si M. Desvreux ou tout autre de mes suffragants est encore à Rouen, priez-le d'officier à ma place. Je ne saurais me trouver à cette messe. Allez en paix, monsieur l'abbé. » Ayant ainsi congédié son grand vicaire, monseigneur de Rouen laissa retomber sa tête sur l'oreiller et parut disposé à se rendormir, mais cette fois ses paupières rebelles refusèrent obstinément de se fermer, et comme la matinée était déjà assez avancée, il appela ses valets, se fit habiller et descendit dans le jardin de l'archevêché pour respirer l'air libre et pur du dehors. Il pensait que cette promenade matinale chasserait les sombres vapeurs que tant d'événements bizarres et inattendus avaient amassés dans son cerveau et rafraîchirait le cours de ses idées. Dans cette vue, il choisit dans le jardin de son palais l'allée la plus verdoyante et la plus touffue, celle qu'un épais dôme de feuillage protégeait le mieux contre les rayons ardents du soleil qui commençait à s'élever sur l'horizon. C'était une superbe charmille plantée naguère par le premier cardinal d'Amboise et qui s'étendait à perte de vue dans toute la longueur du jardin, sous l'ombre toujours épaisse de tilleuls presque séculaires. Après s'être promené quelque temps dans cette allée, Charles de Bourbon s'était assis sur un banc de pierre, prêtant une oreille distraite au bruit lointain de l'orgue que la brise du matin lui apportait par intervalles en écho affaibli. Tout à coup, à ces bruits, va s'en joindre un bien distinct, comme celui que produisent les feuilles sèches qu'on broie en marchant sous les pieds. Charles de Bourbon regarda attentivement autour de lui. Nul être vivant n'apparut à ses yeux. On apercevait que les tiges élancées des tilleuls, symétriquement rangées comme une double haie de garde, et la sombre allée était redevenue silencieuse. Le prélat s'abandonna de nouveau à cette insoucieuse rêverie qu'inspire assez généralement le spectacle de la nature à l'ombre des grands arbres par les belles matinées d'été. Puis, pensant que le moment était venu de rentrer dans son palais, il se leva. Alors, pour la première fois, il s'aperçut que sur ce banc, où il avait pris place, un livre avait été oublié. C'était sans doute quelque missel appartenant à l'un des ecclésiastiques attachés à l'archevêché. Il le prit machinalement dans sa main. Le livre était ouvert, et la page à laquelle on s'était arrêté portait en tête œuvre de Pierre de Ronsard. Charles de Bourbon tressaillit. Ses regards venaient en même temps de tomber sur le sixain suivant. « le temps s'en va, madame. Là, le temps non, mais nous nous en allons. Et tous seront étendus sous la lame et des amours desquels nous parlons, quand seront morts, ne sera plus nouvelle. Pour ceux, aimez-moi cependant, qu'êtes belle. » Il laissa tomber le livre de ses mains. Au bruit qui en résulta, une personne qu'il n'avait pas encore aperçue et qui était assise à peu de distance, se leva précipitamment, comme si elle se disposait à fuir. À cet instant, un rayon de soleil pénétrant à travers une éclaircie de la charmille inonda la fugitive de lumière, et l'on put même entrevoir sous le voile noir qui couvrait son visage les traits charmants d'Anne d'Arcona. Cette fois, Charles de Bourbon résolut d'éclaircir le mystère d'une vision qui se présentait à lui sous son plus doux aspect. Et cédant je ne sais quelle fascination, il s'élança à la poursuite du gracieux fantôme qui fuyait devant lui sous la charmille. Il l'atteignit bientôt, et sans oser toutefois toucher à ses vêtements, de peur que l'apparition ne vînt à s'évanouir sous le contact de ses mains, il lui dit, du ton le plus suppliant, « D'où vient que vous me fuyez maintenant, monseigneur ?» répondit la nonne avec un accent plein de mélancolie. « Ne m'avez-vous pas chassé de votre présence ?»« Il est vrai, » repartit vivement le jeune prélat. « Oh, je fus bien coupable. Pardon, pitié. Ce n'est point une vaine illusion cette fois. C'est vous, c'est bien vous, que j'ai tant aimé et que je revois après 6 ans d'absence. Dites-moi, par quel prodige vous m'êtes rendu? Êtes-vous Anne d'Arcona en chair et en os? Ou bien n'êtes-vous que son fantôme? Oh, quoi qu'il en soit, parlez-moi, que j'entende encore le son de votre voix si douce. Je vous l'ai dit, monseigneur, je suis l'abbesse de Saint-Amand. Je ne suis point une ombre, j'existe. Mais je ne suis point non plus celle que vous croyez. » Ici, Charles de Bourbon hocha la tête comme un homme dont la conviction est formée et ne saurait plus être ébranlée. La nonne reprit. « J'ai entendu parler en effet d'une certaine Anne d'Arcona, qui aimait un beau jeune gentilhomme, de votre famille, monseigneur. Mais Anne d'Arcona était protestante, moi je suis catholique. Mais Anne d'Arcona était fiancée à un homme, moi je suis fiancée à un dieu. Vous voyez bien, monseigneur, que je ne puis être cette Anne d'Arcona dont vous parlez. » « Non, » reprit le jeune prélat, qui avait écouté avec avidité chacune des paroles échappées de la bouche de la nonne. « Non, je ne me trompe pas. Vous êtes bien la femme que j'ai aimée d'un amour sacrilège, d'un amour qui peut-être, hélas, n'est pas encore éteint dans mon cœur. Et je vous retrouve enfin, au moment où je vous croyais perdue pour jamais. Anne, j'ai été bien coupable, mais qui eût pu s'empêcher de vous aimer à ma place, vous, si belle, si pure, si compatissante? Vous qui, pour premier bienfait, m'avez sauvé la vie et qui m'avez ensuite, comme si ce n'était pas assez, donné votre amour. Seigneur mon Dieu, qui m'avez soumis à une telle épreuve, pouvais-je dire à cette jeune fille l'un des plus parfaits ouvrages qui soit sorti de vos mains? Va-t'en, ne m'approche pas, je suis prêtre. Pardon, pardon mon Dieu, je vous le demande à genoux, comme je le demande aussi à Anne d'Arcona ici présente. » En parlant ainsi, l'archevêque était tombé à genoux, les mains jointes devant l'abbesse, et des larmes amères s'échappaient de ses yeux, et les sanglots commençaient à étouffer sa voix. « Que faites-vous, monseigneur ? » répondit l'abbesse toujours calme et impassible. « C'est à moi, votre servante, de m'agenouiller devant vous, car vous êtes mon pasteur. »« Anne, » répondit le prélat, en se relevant plein de désespoir et de confusion, « Anne, ne quitterez-vous point cette froideur qui me brise l'âme ? » ?»« J'ai de grands torts à réparer envers vous, je le sais, mais je suis prêt à tout. Que voulez-vous que je fasse ? quelle expiation exigez-vous de moi ? Écoutez, mon frère est roi de France et tout-puissant. Il m'a donné le siège de Rouen, le premier du royaume après Paris. Je suis jeune encore, et pourtant je puis aspirer à tout. Dans un an peut-être je serai cardinal, et qui sait ce qui peut advenir au prochain conclave ? Eh bien, j'abandonnerai toutes ces fières espérances. Anne, je quitterai mon manteau d'archevêque primat. Je dirai adieu à mes palais de Rouen, de Gaillon, à mes abbayes de Saint-Ouen, de Jumièges. J'irai finir mes jours dans la retraite et dans la pénitence. Pour tout cela, Anne, je ne vous demande qu'une chose, ne me la refusez pas. Anne, ma chérie, tendez-moi votre main, en signe de pardon. Monseigneur, l'abbesse de Saint-Amand ne touche la main de l'archevêque qu'une fois dans sa vie, une fois après sa mort. Eh bien, Monseigneur, ne vous ai-je pas hier passé moi-même au doigt l'anneau pastoral ? Inexorable ! Balbutia Charles de Bourbon, puis il laissa tomber sa tête entre ses mains. Il eut un silence. Au bout de quelques instants, il reprit. Anne, si vous l'aviez voulu, il pouvait exister encore pour nous du bonheur sur cette terre. Dieu, qui proscrit une flamme impie et sacrilège, Dieu n'a point voulu pour cela que tout lien cessât d'exister entre deux âmes, qu'unit une tendresse mutuelle opérée par le temps, le repentir et les plus saints devoirs. Dieu a permis à Héloïse et à Abélard de s'aimer tous les deux, du sein du cloître, de se l'écrire, et lorsque, séparés dans la vie, leurs deux corps ont été réunis dans la mort, Dieu a protégé leur tombeau. « Ni dans la vie, ni dans la mort, » répondit l'abbesse en poussant un profond soupir. « Monseigneur, il est temps de nous séparer. Mes sœurs m'attendent. Monseigneur, vous plaît-il à cette heure de bénir l'abbesse de Saint-Amand ?» La nonne s'étant inclinée, Charles de Bourbon imposa ses mains sur sa tête en levant au ciel des yeux baignés de larmes. Lorsqu'il les abaissa vers la terre, la nonne avait disparu. Le prélat demeura longtemps pensif et recueilli sans pouvoir s'arracher de cette place, prêtant l'oreille au moindre bruit du vent dans la feuillée, cherchant à pénétrer d'un œil inquiet dans l'épaisseur de la charmille, comme s'il se fût attendu à chaque instant à voir apparaître de nouveau Anne d'Arcona. À la fin, il se résolut à reprendre le chemin de son palais, non sans retourner plus d'une fois la tête, mais en vain. Rentré à l'archevêché, son premier soin fut de demander le grand vicaire. Celui-ci entra un papier à la main. « Monseigneur, dit-il, c'est le premier acte de prise de possession du diocèse que je viens soumettre à l'approbation de votre éminence. Il s'agit de l'élection de la nouvelle abbesse de la communauté de Saint-Amand. Les bonnes sœurs ont été inspirées par l'Esprit-Saint, car elles ont fait choix, dit-on, d'une jeune et charmante abbesse, pleine de piété, de savoir, de charité, de... Son nom, interrompit vivement l'archevêque. Son nom avait été un mystère pour nous jusqu'à ce jour. Elle n'avait voulu le dire qu'à l'abbesse défunte, Madame Marie d'Entragues, qui était un peu sa parente et qui l'avait prise en grande amitié, si bien que, malade et au lit de la mort, cette respectable abbesse voulut que ce fût elle qui vint à sa place, à la tête de la communauté, pour remettre l'anneau pastoral. « Son nom ?» répéta l'archevêque d'une manière presque fébrile. « Elle s'appelle Anne d'Arcona. C'est la fille d'un vieux gentilhomme huguenot qui sera damné à coup sûr. Quant à elle, Dieu lui a fait la grâce de lui dessiller les yeux et de lui inspirer l'idée d'entrer en religion pendant que les siens la croyaient morte. Ne trouvez-vous pas, Monseigneur, que c'est là une merveilleuse histoire ?»« En effet, » répondit l'archevêque avec une préoccupation visible, « donnez-moi cet acte, monsieur l'abbé, je vais le signer. » Puis il ajouta, en remettant le papier au grand vicaire, « Veuillez ordonner qu'on prépare sur le champ mes équipages. Votre éminence désire faire une promenade. Votre éminence a raison. Les environs de Rouen sont magnifiques. Où votre éminence désire-t-elle aller ?»« À Paris, » répondit froidement Monseigneur Charles de Bourbon. « Il faut que je parle à mon frère consacrant le roi de France. » Chapitre 10e. On était au premier jour d'automne de l'année 1610. Bien que le temps fût froid et brumeux, et que la pluie tombait toute la matinée et détrempait le sol, qui ne présentait plus partout qu'un océan de fange, il y avait une grande affluence dans toutes les rues de Rouen voisines du port. La vieille cité normande semblait s'être ruée tout entière hors de ses habitations gothiques, comme au jour où le roi Henri IV était venu la visiter et tenir les états généraux du royaume dans l'enceinte de ses murs. Avoir cet inexprimable sentiment d'attente et de curiosité empreint sur tous les visages, il était aisé de conjecturer qu'un mobile puissant avait fait déserter à chacun son toit domestique et ses occupations de la journée. Mais en même temps, il se mêlait à ce double sentiment une expression toute particulière de tristesse. Les regards étaient fixés dans la direction du fleuve. Toutes les bouches échangeaient à l'envi mille interrogations qui n'étaient que les variations d'un même thème. N'est-il pas encore arrivé? Ne voit-on rien venir? Enfin, ce cri si impatiemment attendu, le voilà, retentit dans la foule. Une barque pavoisée de banderoles de velours noir, à l'écusson de France, surmontée d'une mitre et parsemée de larmes, apparut sur le fleuve et vint s'amarrer au rivage. Il en sortit un cercueil également recouvert d'un drap de velours noir. Ce cercueil contenait les restes mortels de Mgr Charles de Bourbon, archevêque de Rouen. Le haut-doyen, qui était venu avec tout le chapitre de la métropole pour recevoir le prélat, se tenait sur le rivage, et selon la coutume, les chanoines se mirent en devoir de porter ce précieux fardeau qu'ils déposèrent au pied de la barrière près de la croix de l'abbaye de Saint-Ouen. Le prieur de l'abbaye s'y trouvait déjà, avec tous les religieux qui étaient assemblés là, afin de recevoir aussi à leur tour leur archevêque et d'accomplir une dernière fois envers lui le saint devoir de l'hospitalité. Dès que le cercueil eut été remis par les chanoines entre les mains des religieux, le cortège se mit en marche. Arrivé sur le seuil de l'abbaye, il s'arrêta. Tous les moines entrèrent, et lorsqu'il ne resta plus sous le porche que le cercueil qui avait été déposé, les portes se refermèrent pour ne se rouvrir que 24 heures après. Alors, au silence de la foule qui avait assisté à cette translation funèbre, succéda le bourdonnement confus de mille conversations diverses. « Eh bien, disait l'un, le voilà donc enfin revenu dans son diocèse, ce beau prélat qui nous a abandonnés si longtemps. Crois Dieu, s'écria un autre, il paraît que nous n'avons pas beaucoup perdu en perdant cet archevêque, car il court d'étranges bruits sur son compte. On dit que depuis 16 ans qu'il a quitté Rouen, et ce le lendemain même de son intronisation, il n'a pas célébré une seule messe, ni prononcé un seul sermon. Quelle conduite pour un prélat! Mais avis qu'il aura fait quelque pacte avec Satan. Jésus, mon Dieu, dit une vieille femme, vous avez bien fait de le rappeler à vous, car j'avais toujours mal auguré de cet archevêque depuis son entrée à Rouen, où fille et femme n'avaient Dieu que pour lui. Ce qui a causé la chute de l'ange des ténèbres, c'est sa beauté. Puis, à ces commentaires individuels, succéda bientôt un effrayant concert d'accusations plus graves encore. Les épithètes d'impie, de débauché commençaient même à circuler de bouche en bouche, lorsqu'un homme, déjà avancé en âge, vêtu de noir, le seul dont le visage exprima la tristesse au milieu du sentiment exclusif d'indignation qui venait de succéder à la curiosité de la foule, s'écria d'une voix forte. « Vous êtes bien peu charitable, vous qui parlez ainsi d'un homme, que vous ne connaissez seulement pas. Vous êtes bien impie, vous qui osez blasphémer le nom de votre archevêque. Et vous êtes bien hardi, reprit une voix, vous qui osez le défendre, qui donc êtes-vous pour cela ?»« Moi ?» répondit le vieillard, « je ne suis qu'un de ses serviteurs, mais je serais un lâche et un ingrat si je n'agissais pas ainsi. Car celui dont vous condamnez la mémoire a été pour moi le meilleur des maîtres, et jamais, depuis 16 ans qu'il avait daigné m'admettre à son service, je n'ai rien vu dans sa conduite et dans ses moindres actions qui justifient les reproches dont vous ne craignez pas de le flétrir. Est-ce qu'il n'était pas riche, puissant, honoré le jour où il a quitté Rouen pour n'y plus rentrer vivant? Est-ce que le feu roi son frère, que Dieu reçoit avant son paradis, ne lui a pas témoigné jusqu'au dernier moment la même amitié et la même faveur? Monseigneur pouvait aspirer à tout, il a renoncé à tout, est-ce là le fait d'un mauvais homme? Ce vieillard a raison, murmurèrent quelques voix dans la foule, mais pourquoi notre archevêque s'est-il tenu ainsi éloigné de son diocèse? Oh, cela est un secret entre Dieu et lui, et je pourrais vous demander à mon tour pourquoi Monseigneur tombait en si grande tristesse lorsque venait à parler devant lui sur ce sujet-là. Je pourrais vous demander pourquoi Monseigneur passait des journées entières absorbé dans une sombre mélancolie, les yeux fixés sur son anneau pastoral. Savez-vous, vous qui l'accusez, quand Monseigneur a montré le plus de joie? C'est lorsqu'on lui a annoncé que sa fin était prochaine. Monseigneur a souri alors comme quelqu'un à qui on apprendrait une heureuse nouvelle, et il s'est écrié « Je vais donc pouvoir enfin retourner à Rouen. »« C'est étrange, » murmura la foule. « Et vous pensez, » ajoutèrent plusieurs voix, « que nul au monde ne connaît le motif qui a porté M. Charles de Bourbon à agir ainsi ?»« Oh, si fait !» répondit le vieillard. « Il y a un homme qui l'a su. C'était le roi de France, et il est mort. » Il y eut un silence. Puis le vieillard se dit intérieurement, « il y en a un autre qui l'a deviné, mais celui-là saura se taire. » À cet instant, un marinier qui avait regardé le vieux serviteur avec la plus vive attention s'approcha de lui et lui dit « Vos traits ne me sont pas inconnus. Nous nous sommes vus jadis, j'en suis sûr. Ne vous nommez-vous pas Jean-Claude ?»« Il y a 16 ans, on me nommait Jean-Claude le Batelier. Touchez là, camarade. Nous sommes de vieilles connaissances, mais vous avez bien fait de quitter la partie, car les temps sont durs, et le métier que vous avez choisi vaut mieux que le nôtre. Il y a de gros profits au service des grands, et je suis sûr que vous êtes riche à présent. » « Oh oui, monseigneur m'a fait riche, » répondit Jean-Claude avec une expression profonde, « et je veux passer le reste de mes jours à prier Dieu pour lui. » Puis il ajouta tout bas, « Que Dieu pardonne à monseigneur, comme monseigneur m'a pardonné. » Le lendemain, à pareille heure, on célébrait en grande pompe dans la ville de Rouen les funérailles de l'archevêque Charles de Bourbon, troisième du nom. Aux côtés du cercueil marchaient 16 chanoines de la cathédrale, chacun un cierge à la main, en commémoration des 16 années pendant lesquelles ce prélat avait occupé le siège archiépiscopal. Lorsque le convoi passa devant le monastère de Saint-Amand, l'abbesse, qui cette fois ne s'était pas fait attendre, était déjà debout sur le seuil avec toute la communauté. Elle s'avança d'un pas ferme au devant du cortège, qui s'arrêta instantanément, et tout le monde s'étant agenouillé, elle s'approcha du cercueil, qu'elle ouvrit elle-même à l'aide d'une petite clé, qui lui fut présentée par le haut-doyen. Puis, ayant écarté le suaire dans lequel l'archevêque était enseveli, elle saisit d'une main la main glacée du cadavre, pendant que de l'autre main, elle rabattait son voile derrière sa tête. Elle était encore à cette époque, s'il faut en croire les témoignages contemporains, d'une remarquable beauté, bien que ses joues d'une extrême pâleur et ses paupières flétries accusassent les traces des macérations claustrales, ou du moins d'une douleur intime et profonde. Après avoir contemplé fixement pendant quelques instants le funèbre spectacle offert à ses regards, elle s'écria d'une voix pleine de solennité « Je vous l'avais donné vivant, rendez-le-moi mort. » En même temps, elle enleva du doigt de l'archevêque l'anneau pastoral qui brillait encore et le remplaça par un simple anneau d'or tout uni. Puis elle ajouta d'une voix émue et en promenant autour d'elle un regard d'une ineffable tristesse. « Adieu, monseigneur Charles de Bourbon, dormez en paix. » Alors, elle laissa retomber le couvercle du cercueil qui rendit un son lugubre, et ayant rabattu son voile sur son visage, elle rentra dans le monastère, suivie de toute la communauté. Le convoi continua sa marche vers la cathédrale, où le corps fut inhumé après l'accomplissement de toutes les formalités voulues pour les obsèques des archevêques de Rouen. En 1793, des fouilles ayant eu lieu dans les caveaux de la cathédrale de Rouen, le cercueil de Charles de Bourbon fut ouvert, et une main sacrilège osa, dit-on, arracher l'anneau qu'Anne d'Arcona avait mis au doigt du prélat. Cet anneau était formé de 2 cercles d'or entrelacés qui se détachèrent dans l'opération. Sur chacun de ces cercles était inscrit un nom, et leur accouplement présentait l'inscription suivante « Anne d'Arcona, Charles de Bourbon ». Anne d'Arcona survécut de longues années à Charles de Bourbon. Elle mourut à Paris en 1630. Vers la fin du siècle dernier, on voyait encore dans la chapelle du collège de Cluny, proche de la chaire de l'abbé, une table de marbre noir attachée à la muraille et sur laquelle on lisait cette épitaphe qui a toujours été regardé comme un problème, « D.O.M. Anna d'Arcona, Rotomagensis abatissa, hic jacet, opitum tacet, opi die, 20 septembris, anno 1630. » Ainsi, la destinée, qui semble s'être plu à séparer ses amants pendant leur vie, a voulu qu'ils le fussent même après leur mort, en éloignant leur tombeau. Ainsi s'achève Anna d'Arcona, par Alexandre de Lavergne.